Victoria Eleison, Victoria Eserta, Aluta Potunua, Oyo Esali Makambu Bebo na kata kisasa. Bongo bake Paris, akutane bana Firenze, Suisse, Bruxelles, bazongi kisasa. Danze. Sans plus tarder, mes chers amis, mes chers frères, Grand-maître Pachassar. Pachassar, yé, azamoubulu, azakanabake. Pongo na posta, moi, avec ta vasmi balé. Pachassar, na grand-maître le Vengoka, tu touché. Alors, bah, on va passer à la passe, et tu vas. Pongo na numéro 2, ça s'en a. Numéro 3, Tazana. Top la guitare, top la baboté, beaucoup de la semaine. Mais numéro 4, Tazana, grand maître financé. Passman bonus, passman super. Bongo souvent à numéro 5, Naïbo côté de la 8. 1, 2, 3. Bon, on a 6. Hier, à l'air, la guitare n'a mine. Donc, ça, à ce camoura, à ce l'air, on a mine. Donc, comme on a eu, bongo wende, autrement dit, tatsuro. Patron, on a eu si nous avons des défenseur, mon corps. En tout cas, ça nous a fait un match. À ce moment-là, j'ai mon corps terrible. Si vous voyez, on a un match de quota. Dire de quota. Si vous voyez, on a un match de coum. Match de coum. Donc, si vous voyez, on a un match, donc, il y a l'aise. Donc, on va mettre à l'aise. De face ou non, du maître Pinot, c'est pas ça la basse manuelle, donc c'est ça mon passage. Ah, ça y est, Victor Anifian, Victor Ansaï, aïe, n'arrête à ma boule là, yoga juju. depuis son bimam, mon côté la kata kina meka, mon côté, maman si tout obéta, bota la télévision, bota la film, bota la ba replay, bota la donc mon côté la kata kina, mon côté, wana sa nazo sa nuna, solo ba kata mon ba neto, mon côté to pogi mi kina kata pari, no bana firen, ba oyep sa bino, mon dogo ka fram, ba oyep sa bino, tu na bana sa donu, ba oyep sa nuna sa toani, se pedro, son côté la kata sa de lande, tu na nani, si tu le valois, Jean-Pierre Boutoum, Oem Sabino, l'air de Zonis pour la Catabu, c'est le Fotum, Godard Motemona, Motemona, Matatis, Matemele, Matemele, Matemele, Zaza, la Cataclaris, Oem Sabino. Donc, très dangereux pour les personnes. Vous me souhaitez maintenant vous complète, je suis sûr que vous vous cas. Lukaba, Lukaba, votre cas est à la roquise, vous cassez. Ah! somba bana bonyonso ya mokili olingi koyoka teke televide eza kuna otonga bandako ndako potikala yo moko kata mboka bandako nyonso yomonaka kitoko mpe molayingo ekozanga bato solo potikala yo moko kata mboka mozinga mbongo eleki yo okola moka banda tongo sima kaka ya masanga kasi mpona likambo ya nzambe otalata miso te ekemalenani akolela yo nabotaki bana nanga nakolisaki bango na mpasi yo botolinga mama na bango mbongo na yo eyisi bangonga matalingolo yaaaiaiatana esikalii opepisimboka te I'm sorry now. Wabiotona belé, j'étais tout en croco, idianga nkumbu tatu. Wabiotona bisi, unita makota, emuinda buambonge, semizinge, ingenze mene, semizinge, ingenze mene.

valoir. Lukama. Ah oui, je le dis. Merci les Palois, la Katia de Zarland. Bon, on va la filer, c'est ma tête. Mazumba, mama, yébisa, malela. Soki, bena, chante, modele, oya, bela, nana. Mazumba, mama, yébisa, malela. Soki, bena, chante, modele, oya, bela, nana. Kabisi, kita makota, embu inda kuwa mbongele, eshemize, ingende mene, eshemize, ingende mene.